tarde, são 5 horas no continente de Madeira, 4 nos Açores. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. J'avais que du love, boy. Pour moi, t'es pas prêt, mon gars, laisse tomber. Get enough, boy. Pour moi, t'es pas prêt, mon gars, laisse tomber. Je veux faire le mec chaud dès que tu me vois. Jouer au prochain monde dès que tu me vois. T'oublies que t'es macho dès que tu me vois. Il fait beau, il fait chaud dès que tu me vois. Je te vois pas juste comme un passe-temps dès que je te vois. Je suis frais comme un garçon dès que tu me vois. Bébé, t'es insécurité, rien qu'avec toi. Mais je me vois faire un bout de chemin, rien qu'avec toi. Pour une idiote, mais là y'a fast not. J'te l'ai déjà dit, mon gars, laisse tomber. Pas besoin de ta dot, t'as pas mon antidote. J'te l'ai déjà dit, mon gars, laisse tomber. Pour me charmer, joue pas les mecs blindés. C'est pas comme si on était habitué. T'es billets ne font pas mes yeux briller. Mon gars, laisse tomber, mon gars, laisse tomber. J'veux que du love, que du love, boy. Pour moi, t'es pas prêt, mon gars, laisse tomber. Il faut que tu naves, que tu naves, que tu naves, boy. Après mon gars, laisse tomber. Tu veux faire le mec chaud dès que tu me vois. Jouer au prochain monde dès que tu me vois. T'oublies que t'es macho dès que tu me vois. Il fait beau, il fait chaud dès que tu me vois. Je te vois pas juste comme un passe-temps dès que je te vois. Je suis frais comme un garçon dès que tu me vois. Bébé, t'es en sécurité, rien qu'avec toi. Mais je me vois faire un bout de chemin, rien qu'avec toi. Tu veux pas m'élever, je fais la malade, tu sais. Je dois innover, mais pas le cœur brisé. Si je te promets des hauts. Champagne rosé avant nos ébats. On voit ensemble, you and I. Be a bit me tell you no lie. Je suis prêt, bébé, on nous aller. Tu veux du love, you get enough. J'avais que du love, que du love, que du love, boy. Pour moi, t'es pas prêt, mon gars, laisse tomber. Il faut que tu naves, que tu naves, que tu naves, boy. Pour moi, t'es pas prêt, mon gars, laisse tomber. Tu veux faire le mec chaud dès que tu me vois. Jouer au prochain monde dès que tu me vois. T'oublies que t'es macho dès que tu me vois. Je te vois pas juste comme un passe-temps dès que je te vois. Je suis frais comme un garçon dès que tu me vois. Bébé, t'es en sécurité, rien qu'avec toi. Mais je me vois faire un bout de chemin, rien qu'avec toi. Tu veux faire le mec chaud dès que tu me vois. Jouer au prochain monde dès que tu me vois. T'oublies que t'es macho dès que tu me vois. Il fait beau, il fait chaud dès que tu me vois. Je te vois pas juste comme un passe-temps dès que je te vois. Je suis frais comme un garçon dès que tu me vois. Bébé, t'es en sécurité, rien qu'avec toi. Mais je me vois faire un bout de chemin. Bienvenue à tous sur ce jeudi 18h-20h, votre émission Groupe Tropical. Je suis ravie de vous retrouver avec une superbe émission. Vous allez retrouver tous vos hits du moment, les hits caraïbéens, avec du zouk bien sûr, du zouk rétro, du compas, un petit peu de salsa. Eh ben oui, on va se faire plaisir, de la bachata exactement. Sur le 96.2 et Radio Arc-en-Ciel, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée en ma compagnie. Je repense à toi et ça sans savoir pourquoi. Hey, yeah, hey. De temps en temps je pense à nous. Ça peut paraître chelou, mais j'y ai cru jusqu'au bout. Yeah, yeah, hey. De flirt en flirt, j'avance, j'avoue. Mais tout ça devient flou. Au fond j'ai comme un coup d'inachevé. Tu c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Chaque jeudi, 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. C'était Micheline Roll avec extrait de tout, son tout dernier album. Et le titre, c'était « Mais ça pas bon ». Ben oui, on avait tout à fait bien compris. Bien, allez, restez bien calés sur le 96.2 Petite Page Compas avec les grands de T-Vice, les frères Martino. Mais nous. We'll be right back. absorbé la jeunesse qui va sa vie j'ai sa tombe nous pas des bons coulis nous remercie ou pas vous faire mal j'ai sa bouche et nous le c'est pour ça nous tire c'est pour ça nous vaille. Fais mes yeux ou mes pieds, t'es wallé. Tant qu'un chéri, faut qu'il t'ait manqué. Ça ne peut pas avoir. Les autres pas pour rien. Après tes chéris, c'est où qui fait sentir bien. Yeah, yeah, yeah. Sans nous, ça va pas possible. Without you, ça est possible. Yeah. Fais mes yeux ou mes quittés ou aller. Fais mes yeux. Quand quelqu'un chéri, faut vous quitter, montrer. Qui est ça, mon bébé? Vous pouvez sentir mieux. Vous tiendrez pas ces chimères. Shame. manje A don chate brile Teacher Si vous êtes comme moi, mais moi je suis tombée sous le charme de cette version 2024 interprétée par Taïm et sur son célèbre titre Gimme Gimme, mais aussi en couple, pas en couple, je raconte n'importe quoi, en duo avec la grande chanteuse indienne Shreya. Allez, un petit pot de compas pour les fanatiques sur le 96.2 Radio Arc-en-Ciel, bien sûr, et sur le groupe Creuse, là aussi c'est une nouveauté, rien que pour vous. Que des fois sont là, c'est pas qu'on s'arrive. C'est pas chita ou pas les boulevards, critique et projet qu'à faire. Je connais une ambition, vaillant, tout est destin, on dirige. Faut pas critiquer nos envies, là où est la peine. Mène, sacrifice les faits dans la ville, ou pas je connais. Ou pas je me connais. Faut pas critiquer nos envies, là où est la peine. Mon choix qu'on est pas. Sacrifice les faits dans la ville, ou pas je connais. Mais tout le monde fait, ça fait nous jaloux qu'on est. Souvent fait pas comme ça, faut pas critiquer. Chacun de l'église a fait yo, c'est bon capacité yo. Que ça qui pas des moyens, et on l'a dit à gagner. Faut pas critiquer nos envies, là où est la peine. Là où est la peine. Sacrifice les faits dans la ville, pour pas que je connais. Mais tout pas que je me connais. Faut pas critiquer nos envies. You just chose my money, but no calgary on bed. But it's a bad thing, yeah. Oh, my God. I'm a bad thing, yeah. Oh, my God. I'm a bad thing, yeah. Oh, my God. I'm a bad thing, yeah. Oh, my God. Pas critiquer la machine, pas critiquer la machine, réalisé. Ti chos nan mande pou nou kalge yon bel de mè. Tande, patisite, patisite. Oubaga. Pake li mega star. Oubaga. Ou bez galaxy. Oubaga. Fred li magika. Oubaga. Li den sou kiske ya. Oubaga. Sony bel anfo. Oubaga. Ebi tout non basite yo. Oubaga. Mezi ou bon bon, oubaga. Oubaga. Mwen patate eti, oubaga. Fajinje, fajinje. Si tous la bon. Sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Des âmes sœurs, gratitude, balance. La native, oui, pour nous. Laissez venir encore. Mène la lumière, on l'a vu. Découverte sur Radio Arc-en-Ciel, la jeune fille s'appelle Lia, elle a tout juste 16 ans. Elle était, elle a participé à The Voice Kids, je crois que c'est l'année dernière. En tout cas, elle vient de sortir son premier single, je peux vous dire que ça caracole en tête partout. C'est un super morceau et je pense que on va la revoir certainement pour d'autres choses encore plus géniales. En tout cas, sur le 96.2, tiens, on va faire un petit retour en arrière avec Monsieur Jean-Marie Gagnol. Du zouk à fond. Pour tous les amateurs. 18h-20h, groupe tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. C'est l'amour, moi, je vais pas. Pas mes yeux.

tu m'as jeté un sort. Près de toi, je ne peux plus respirer. Mon corps réagit à ton corps. C'est naturel, même pas besoin de forcer. Nous deux, nous sommes dans le décor. Ton odeur et ta peau, toute sucrée. Tout ça me fait perdre le nord. C'est raté, je crois bien que je suis piquée. Tout ce que tu fais m'emmène si loin. Même pas besoin de bouger pour voyager. Des allers-retours, j'en ferai tous les jours. Tout ce que tu voudras tant que je suis avec toi. Viens avec moi, bye. J'aime ça quand tu m'appelles Miyama. Et toutes les autres sur le côté, ouais. Je suis la seule qui peut faire ça. Je passerai toutes mes nuits avec toi. Oui, j'aimerais vraiment essayer, mais j'ai peur pour mon corazón. Il se fait tard, je veux plus jouer. La partie est longue, je n'ai pas le temps pour ça. Pourquoi prier, être à tes côtés, quand ce n'est pas moi qui vis avec toi. Pourquoi jouer, elle va gagner. Elle était là avant tout ça. Quand t'es là, mais je sais que c'est aussi le cas pour toi. Tu réclames ma présence auprès de toi. T'es celui qui est fait pour moi. En attendant, c'est elle qui dort dans tes bras. Mais je le sais, je suis celle qui est faite pour toi. Viens avec moi, bye. J'aime ça quand tu m'appelles Miyama. Et toutes les autres sur le côté, je suis la seule qui peut faire ça. Ton corps ne commence pas à douter. Une chose est sûre, c'est que t'en voudras. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Madinina beautiful, beautiful. Stanis, c'est ça. Tu ne devineras jamais ce qui me motive. Pour toujours à jamais, mon île j'aimerais. À gravir les sommets qui mènent à la réussite. Martinique forever, c'est mon aide. Parfum m'envoûte à chaque fois. Oh, Anaka. Pas souvent vu, mais je me rappelle de toi. Je sais que c'est 96.2. La FM en couleur. Que la haine se déchaîne, que l'amour est mort, mais ce n'est pas vrai. Comment t'aimer quand mes peines sont des chaînes qui m'emprisonnent dans le passé. Tu reviens quand je m'attends pas, dans mon cœur attentat, et la colère effacée. Mais si la colère s'en va, la douleur reste là, et ne fait que se tasser. Je peux pas passer mon temps à te rassurer, c'est pardonné. Je suis là, je vais plus m'en aller. Je sais que rater le plan à deux. Je veux qu'on soit bien droit. Ouais, je veux la plaque au doigt. De toi, je peux plus passer. Fondir un foyer, rempli de mes doigts. Que rien ne pourra casser. Ok, donne-moi ta main. Baby, prends ma main. Je peux pas laisser ton cœur en chemin. Laisse passer ta main. Et si c'est ok, donne-moi ta main. su amigo me disgusta. J'ai envie, dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va. ma place. T'as fait semblant d'y croire, j'ai fait semblant d'y croire. On s'est tous les deux égarés. Maintenant que tout est noir et qu'il n'y a plus d'espoir, je ne veux pas nous voir séparés. J'espère que tu te sens libre à présent. Plus rien ne me guérit par un pansement. Est-ce que les actes te suffisent ou tu fais semblant? Ça, ça, son paradis, c'est Chouchounette. Mes mains s'y rincent, y'a. Chouchounette. Mes papes chayla. Chouchounette. Bye. Just me. Faut doser, doser pour m'avoir, c'est pas comme ça. mi-temps, pas mi-temps. Hasta ayer solo fui un orgasmo y hoy soy el gallo de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puedo destrozar todo aquello que ve, porque ella de un sabor la vuelvo a crear. Como si nada, como si nada. La quiero a morir. Conoce bien cara que en el pasado, mejor te olvido.

ce morceau que j'ai fait répéter. Bon, c'est pas grave, je pense qu'à mon avis, vous aviez compris. Je m'endors pas, hein, pas du tout. Hein. J'étais occupée, puis j'ai pas trop fait attention. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Il rouvre tropical jusqu'à 20h. Ça continue avec du très très bon son, du zouk. Et puis on terminera par un super compas live avec, avec Titanzito, tiens. En attendant, c'est Jessie Bellabal avec un titre qui s'appelle Barbillon. Commence tropical, 18h, 20h, tous les jeudis. C'est Chantal qui vous accompagne. Où t'es dit, hein, qui vous et moi? La chaque jazz bon allié nous même allié par nous c'est classe nous même ça avec jazz ça n'a pas marché c'est jazz ça qui marche avec nous moun qui marche avec nous et avec on marché classe is baby ou dans la ville, yeah. Parce que pas des corps, y'a pas où love, love, love. Parce que pas des corps, y'a pas où love, love, love. J'ai une bâtie, c'est qu'il n'en faut qu'elle. J'ai pris ta main, si on me couvre, c'est celle chez vous, pas besoin de paix. C'est celle, ça me cas au prix. Je vais fait ça. Qui tient ce business ça qui est possible. Mais nous pas peur, nous pas peur, nous pas peur, nous pas peur, nous pas peur. C'est pour ça t'arriver. La déchaille là sous dos, chéri, oui. Ce business ça. Son seul chance de respecter. Why? Chérie, jouer pour ça. La geisha et la soudo, j'ai vu. Rosy semaine ça. Moi qui fanatique qui est possible dans les fils là. On a pas peur, on a pas peur. On a pas peur, Badi. La geisha et la soudo, j'ai vu. Express. Oui. Allons, Badi. Tout le monde, loger droite, loger droite. Ouais, jusqu'au bout. Hey, hey, oh, le titre. Si t'en dis, quand pas quitter ma chérie. Bon, ben voilà, groupe tropical, c'est terminé. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, 18h, 20h. Je vous souhaite à tous une très, très bonne fin de soirée. Et puis, bien, qu'un bon week-end aussi, parce que c'est presque le week-end, en tout cas. Merci à vous pour votre fidélité. Bye bye. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Enquanto o governo, o PS passou o debate a justificar a proposta. Jorge Botelho, deputado socialista, garante que houve coerência. Estava escrito no programa e foi concretizado na quantidade de 65%. E o que nós queremos agora, na sequência daquilo que o secretário-geral disse, é cumprir o resto. 35% abolir as portagens. Concordam? Votam a favor. Discordam? Votam contra. Pelo PSD, Emília Cerqueira acusou o PS de irresponsabilidade. Lembrou-se agora de defender a população e mostra a irresponsabilidade. Mas foi Hugo Soares a lançar um desafio. Vamos tirar a prova dos 9. Estamos todos de acordo que é preciso olhar para aquilo que são os preços que as pessoas pagam em portagens, baixem as vossas propostas sem votação e vamos todos discutir a descida gradual do preço das portagens em Portugal. O teste do algodão defendeu o líder parlamentar do PSD, que antes já tinha ouvido o liberal Carlos Guimarães Pinto, a fazer as contas aos sentidos de voto dos socialistas em votações passadas e com resposta de Pedro Pinto, do Chega. Outubro de 2020, eliminação das portagens da A4, A22, A23, A24, A25, A28. Contra, contra... E como é que ele votou? Aí ele votou sempre contra as propostas do Chega para eliminar a portagem. Aí ele e o Partido Socialista são iguais na demagogia. Da bancada do CDS ouviu-se a expressão coligação negativa, enquanto que à esquerda, PCP, Livre e Bloco defenderam que o tempo é de avançar para reduzir custos para as populações. Para a história fica a aprovação da proposta socialista, com votos a favor de toda a esquerda e ainda do Chega. Pelo caminho ficam as propostas do Bloco e do PCP para eliminar portagens, mas também uma recomendação das bancadas de PSD e CDS para uma redução gradual e financeiramente responsável das portagens no interior e nas grandes áreas metropolitanas. A proposta do PS foi aprovada na Generalidade, segue agora para a discussão em comissão e deverá entrar em vigor em 1 de janeiro de 2025. O governo acusa a oposição de querer governar o país. André Ventura defende que o Chega não foi força de bloqueio ao viabilizar a proposta socialista. Em declarações aos jornalistas no final do debate, o líder do Chega aponta ainda que com a votação de hoje, o governo de Luís Montenegro está do lado errado da história. Mais uma vez, foi confrontado na Assembleia e derrotado, numa votação que nem sequer devia ter sido de grande divisão. Hoje podíamos ter mostrado ao país um consenso sobre o fim das portagens e o caminho para o seu fim absoluto, que era o que deveríamos ter feito. Queria apenas deixar esta nota. O Chega não se deixará intimidar, nem por acusações de coligação negativa, nem por acusações de qualquer conluio negativo contra o governo ou força de bloqueio. Dissemo-lo no início deste processo, no fim das eleições. Havia todas as condições para um acordo estável, que desse maioria e estabilidade ao país. O governo optou por não o fazer e acusa agora a Assembleia da República de fazer o seu trabalho, que é legislar e ter iniciativa, como uma força de bloqueio. Já Pedro Nuno Santos nega qualquer acordo com o Chega, garante que o Partido Socialista não está apenas no Parlamento para assistir, mas sim para fazer aprovar propostas. O líder do PS lembra que o fim das portagens nas antigas secutes estava no programa eleitoral socialista e que o partido está a ser responsável ao fazer cumprir o que prometeu. Já sobre o que disse hoje o Ministro das Finanças de que as contas públicas estão piores do que se pensava, Pedro Nuno Santos diz que o governo de Luís Montenegro se prepara para não cumprir as promessas que fez na campanha eleitoral. Agora, tivemos da parte do Sr. Ministro das Finanças uma dramatização da situação das contas públicas que faz-nos lembrar o discurso da tanga do ex-Primeiro-Ministro Durão Barroso e, portanto, a preparação do terreno político em Portugal para que o PSD não cumpra as promessas com que se apresentou a eleições. Nós tivemos a oportunidade durante toda a campanha dizer várias vezes que o programa económico e o cenário macroeconómico que a AD apresentava era irrealista. Aquilo que hoje o Governo está a fazer, não hoje, mas já há de algumas semanas para cá, é preparar o país para o não cumprimento desse mesmo programa eleitoral, nada, aliás, diferente daquilo que nós fomos alertando durante toda a campanha. Pedro Nuno Santos, em declarações aos jornalistas no Parlamento, depois da votação sobre as portagens, em que voltou a sublinhar que não existiram coligações negativas. O secretário-geral do PCP considera que o Parlamento ficou a meio da ponte com a proposta de lei do PS. A do PCP, lembra Paulo Raimundo, incluía o fim das parcerias público-privadas e caiu por terra. O nosso projeto foi rejeitado exatamente pela circunstância em que não só abolia as escutas, que é uma questão fundamental, como atacavam